A chaque fois que je baissais les bras, j'ai surlevé la tête, car une épreuve ne m'atteint pas. Sans talent, faut pas que ça pète, et même au tarmi, j'ai su garder patience, j'ai jamais dit j'ai pas de chance. Et puis alors, j'ai toujours tenu tête. On peut commencer mesquine, finir joie pour finir de baiser la voisine. On se fait sucer avec du whisky, chacun s'en place dans les tours. Y'a eu trop de scandales sur la racaille, basé sur les nuskis, la France au bord. Mon CD serait boycott par la droite, ils ont jeté un arabe par la scène, faut pas la guerre au corps. C'est une épreuve, des types d'Afrique du Nord dans ce bled. Même les sœurs qui portent leur voile, on leur fait du tort. Aucune carte électorale dans les prisons, c'est une épreuve de voir le pape nous insulter sans raison. De nos jours, y'a plein de petits Malcolm X, j'en fais partie, américaine historique, c'est une fiction, cousin. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Moi je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Je m'en ai prouvé et j'en suis fier. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Dieu m'a éprouvé et j'en suis fier. C'est le vampire Hadès. Avec Hadès des repentis, les tirs retentissent. Fils, écoute ce que l'on revendique. On retranscrit nos vies sur CD. Ici c'est dur d'aimer, personne peut me succéder. Salope, on veut tous être des rois comme le petit lion. On veut le million et finir dans la religion. Je roule un joint habillé en chevignon. Grosse tasse B, laisse-moi trouer ce petit vion. Arracher le chignon des catins à poil. Tu sais que ça craint chaque soir, c'est chacun sa voix. Chacun sa viande, chacun ses problèmes. Grosse merde, y'a que devant Allah qu'on se prosterne. Si, si. Y'a pas de blême, c'est le baptême du démon. Un degré de plus pour mes sales têtes sur le béton. Les flammes de l'enfer t'attendent. Lucifer et Satan te préparent un grand guet-apens. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Moi je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Dieu m'a éprouvé et j'en suis fier. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Moi je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Dieu m'a éprouvé et j'en suis fier. Tout le monde se couche, c'est le retour de Gog et ma gorge pour être plus clair. C'est les choix qui vont coucher George Bush. On vit l'époque où la fin des temps approche. Où une Hassan elle vaut plus que ce qu'il y a dans les poches d'un riche. Où les filles halal disparaissent et que les buts font les miss. Et pas chichi quand tu les touches. Les hommes de loi ont du goût pour la triche. Superman a voulu Ken Loïs en plein quartier rouge. C'est une épreuve de répliquer dans les deux tours. De faire sauter les uns et les autres avec deux coups. C'est une épreuve de voir des innocents larmes et les racks se faire des armes. Ça pique tes paralous. Viens pas m'emmerder, rouille à mes frères des fourrailles. Depuis l'époque du RER, des bouillages. Vous allez saigner des yeux comme Shiryu. Vous rêverez d'échanger de corps contre le mien comme Jinyu. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Moi je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Dieu m'a éprouvé et j'en suis fier. Moi je dis, c'est chacun sa foi. Moi je dis, c'est chacun sa loi. Mon paradis n'est pas ici bas. Dieu m'a éprouvé et j'en suis fier. Critiquer mes types, chacun sa loi. On fait les choses avec les tripes, chacun sa foi. Chez nous jamais on hésite, chacun sa loi. On a nos potes, on a nos flics, chacun sa foi. On pas critiquer mes types, chacun sa loi. On fait les choses avec les tripes, chacun sa foi. Chez nous jamais on hésite, chacun sa loi. On a nos potes, on a nos flics. C'est le Hakim, Ahmed le Zinc, Al Capote, Yoms, Loco, Sissi, Bassem, Hassem. Yeah, je veux pas oui, c'est la famille. À mon père, à ma mère, à mon frère. Plus respect à eux, fuck tout le monde.